pas dormi de la nuit. Tu faisais le bras, j'écoutais ton avis. On m'a dit baisse pas les bras, sois pas si un habile. Pourtant tu m'as fait mal, mais tu grandis, tu oublies. Je t'ai demandé pourquoi, tu m'as dit c'est la vie. Chérie, j'ai pas le time pour les blabla, tu sais. Ok, je déconne, ok, je déconne. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Mais c'est pas ça le bonheur. C'est pas ça le bonheur. Je fume le femme avec la famille. Je partage mon drone. On like des graves, on vend des grammes. Et je vois des grammes dans la cave. On like des graves, on est des gammes. Elle la compte pas comme ça, c'est un cap. On like, je suis pas là. On like, je suis malade. Et je compte les liasses et je marque les trous. Mon cerveau se balade. On like des graves, on vend des grammes. Tu fais ça.